lundi, 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Hashtag, c'est parti, on est ensemble pour passer une heure de bonne humeur, de bons plans, d'infos, de tout ça, en compagnie de Claire. Salut Claire. Salut Max, salut toute l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoute, ça va très très bien. À côté, c'est Xavier qui est là. Bonjour Xavier. Bonjour Max, bonjour à tous. Comment vas-tu Xavier? Bah écoute, ça va très bien, hein, comme d'habitude, le petit train-train quotidien. Le petit train-train quotidien. Et puis, les nouvelles autour du micro, c'est Maëlle. Salut Maëlle. Salut Max, salut Claire, salut Xavier. Salut. On est parti pour une... Vas-y Xavier. Elle a dit bonjour à tout le monde, c'est bien. Elle a dit bonjour à tout le monde, c'est déjà ça. C'est le premier point, elle dit bonjour à tout le monde. Ça, c'est... Claire n'a pas dit bonjour à tout le monde, je crois. T'as juste dit bonjour à tous. Enfin, c'est bonjour à tous, bonjour Maxime, bonjour Xavier, bonjour Maëlle, bonjour à tous. Bonjour Claire, comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi Maxime, ça va? Très très bien. Vous l'aurez compris, le début, c'est un petit peu foireux, mais on est quand même là. On se dit bonjour à tout le monde. On est parti pour une nouvelle heure avec pas mal de chouettes choses aujourd'hui. On va parler dans quelques instants d'une application un petit peu spéciale. C'est une application de rencontre. Elle a un petit truc qui la différencie des autres et vous allez voir, je vous en parle dans quelques instants. On aura également le Trouve l'info, le principe. Il est très simple, Xavier, du Trouve l'info. Mais si tu vas nous dire une partie de l'info et nous, on va essayer de découvrir le reste. Voilà, de trouver l'info tout simplement. Et puis on va parler de rendez-vous amoureux, Claire. Oui, je vais vous donner en fait les sujets à éviter lors d'un premier rendez-vous amoureux. Ah, voilà. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse. Je pense que oui, Xavier, ça va l'aider. Ouais. Un rendez-vous est prévu, c'est... Non, mais... On sait jamais. La voyante, une voyante m'a dit que j'allais trouver l'amour cette année, donc... Si Madame Soleil le dit, c'est que c'est... Et puis Maëlle sera avec nous pour interagir tout au long de cette émission et puis aussi donner son avis sur les différents sujets. On est parti, vous le savez, pendant une heure, comme chaque semaine, et puis on aura également la petite séquence météo de Xavier. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On est en décembre. Ouais. Et généralement en décembre, qu'est-ce qui tombe du ciel? La neige. Ah ben voilà, tout simplement, on parlera de neige tout à l'heure. Et ben voilà, ce sera dans la suite de l'émission, restez bien avec nous, on passe la soirée ensemble. 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Vous êtes dans Hashtag, je m'appelle Max, on passe la soirée ensemble. Claire, Xavier et Maëlle sont à mes côtés aussi. Et puis, je vous le disais il y a quelques instants, une petite info que j'ai vu passer sur le net ces derniers jours. Ça fait très vieux de dire sur le net, hein, oui, sur la toile. Sur l'internet. En surfant, j'ai trouvé une petite info. Une application de rencontre vient d'être mise en place. C'est une nouvelle application réservée à un type de personne. On va d'abord faire un petit tour de table pour voir si vous avez une idée. Claire, qu'est-ce que ça pourrait être comme application? Réservé à un type de personne. Réservé à un type de personne. Je me réfère à Xavier. Ah, mais attends, je pense que je l'ai vu cette info. Ah, mais alors ne le dis pas mal. Des hommes à lunettes. Je sais pas, des gens qui vivent encore avec leurs parents. Non, c'est pas ça. Des hommes à lunettes. Non, je pense que je l'ai. Mais j'ai passé. Moi, je vais vous donner la bonne info. Après, moi, j'ai pas dit que c'était pour Xavier. J'ai vu que tu te réfères à Xavier, mais c'est une application de rencontre réservée aux petits yeux. J'ai vu, je savais. Voilà. Je savais que c'était ça. Donc voilà, il y a une application qui a été créée et elle s'adresse donc aux détenteurs de petits kiki. Le site s'appelle Dinky One et a été fondé par David Mintz. En fait, cette application, elle veut casser les clichés autour des gros pénis. Et donc non, la taille n'est pas la seule chose qui compte. Et pour certains hommes, sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontre, si on sait qu'ils sont sur cette application, c'est qu'ils le disent d'eux-mêmes, voilà, j'ai pas un gros sexe. Du coup, vous arrivez sur ces applications-là, vous le savez que si vous matchez avec un homme, il a pas un gros sexe. Donc voilà. Comme ça, c'est affiché. L'application, elle a été créée, il y a déjà plus de 30 000 utilisateurs qui sont inscrits. Dans le monde ou en... Dans le monde. Hein. Donc l'application, elle est sortie la semaine dernière, donc elle est toute récente. Ça tombe à l'heure où je vous parle, le chiffre a doublé, voire triplé, voire quadruplé. Voilà. J'ai voulu l'installer pour essayer, je me suis dit non, parce que si ça relie avec le Facebook ou avec le bazar, on sait jamais, autant garder la radio. Voilà, donc je ne l'ai pas fait, mais voilà, une application, si ça vous intéresse, elle s'appelle Dinky One. Si voilà, vous avez les caractéristiques pour en faire partie, eh ben, vous n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire. Et puis, comme ça, vous pourrez rencontrer des gens tout en le disant. Voilà, tout simplement. Dans quelques instants, on trouve l'info. Merci d'être avec nous. On passe la soirée ensemble. Le lundi, 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. C'est le moment de jouer ensemble avec l'actualité dans la séquence Trouve l'info. Le principe, il est très simple. Je donne le début d'une info à l'équipe et il suffit simplement de trouver la suite. Et on démarre avec tout d'abord cette première info concernant les guêpes en Australie. Elles ont posé pas mal de soucis. Pourquoi, Claire? Une idée? Qu'est-ce qu'elles auraient bien pu faire? Elles ont attaqué tous les habitants Non, Xavier. Parce qu'elles ont construit un nid dans le jardin. Non, elles n'ont pas construit un nid dans le jardin, mais c'est pas loin. Maë, une idée? Aucune idée, vraiment. Allez, je vais vous le dire. Elles menacent les avions en construisant leur nid dedans. Oh. Et donc, ça vient créer des problèmes. Ils ne peuvent pas décoller, donc il faut réparer tout. Et voilà, les guêpes, elles peuvent rentrer dans un trou de serrure. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de s'en protéger. Et donc, du coup, elles causent quelques petits soucis. Alors, un couple d'Américains a fait une surprenante découverte dans les murs de leur maison. Qu'est-ce qu'ils ont découvert dans ce Simaël? Un squelette Non, c'est moins gore. C'est même plutôt quelque chose d'agréable. Claire? Un animal. Non. J'allais dire un chaton, mais non. Donc, non, Maëlle. Des lingots d'or. Non, on n'est pas loin, mais c'est plus ou moins devenu des lingots d'or. Un trésor, non? Oui, mais quel type des bijoux, de trésor? Non, allez, je vais vous le dire. Ils ont trouvé 66 bouteilles de whisky qui dataient de 1920. Donc, un beau trésor, oui. Elles ont plus de 100 ans, les bouteilles, donc ça doit être bien fort. Hein. Oh, je ne sais pas justement si avec autant de temps, elles sont plus... Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais les bouteilles ont 100 ans et elles ont été découvertes il y a quelques jours dans leur maison, en cassant le mur pour reconstruire quelque chose. Et ils ont trouvé ça, une belle petite surprise. Alors en Autriche, un village a changé de nom. Mais pour quelle raison, Xavier? Pourquoi un village peut changer de nom? Parce que la ville avait... quand on est petit, on a un gros... Oui, merci. Un gros mot, voilà. Ouais, à votre avis, c'était quoi le nom de ce village, Claire? C'est cette idée-là. En anglais. En anglais? Ouais. Ah, allez, c'était... ça commence pas par M? Non. Allez, Maëlle, perdu. Ça avait un sens sexuel, péjoratif, du coup? Un petit peu de tout. Allez, je vais vous le dire. Le village, il s'appelait Fucking. Et il est devenu Fugging pour mettre fin aux moqueries, puisque les Américains en avaient marre des touristes qui venaient se faire prendre en photo devant leur panneau écrit Fucking. C'est vrai que je peux comprendre. Ils ont changé de nom ce 26 novembre. Ensuite, on part en Thaïlande, où des citoyens ont manifesté de manière bien spéciale. Pourquoi ont-ils manifesté avec un objet spécial qui est, Xavier, à ton avis? Ah, ils ont... avec... un truc sexuel, mais je sais pas. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas toujours du sexe. C'est bien que Claire va arriver tout à l'heure avec sa séquence. Je ne sais pas. Donc pour lui, premier rendez-vous, ça rime d'office avec sexe en gros. Ouais, on est d'accord. Ouais. Hein. Non. Maëlle, une idée? Mais du coup, j'avais pensé aussi à quelque chose de sexuel. Du coup, là, tout de suite, c'est l'idée principale. Non, allez, je vais vous le dire, ils ont manifesté avec des canards gonflables de piscine. Je sais pas. Non, ça va encore. De piscine. Voilà. Et donc, ils ont gonflé tous des canards de piscine et les rues étaient jaunes de monde à cause des canards, hein, pas des chinois ni des. Mais non, mais on pourrait dire, on est en Thaïlande d'accord. Voilà, quand je dis jaune de monde, c'est bien évidemment à cause des petits canards gonflables qui étaient gonflés donc pour manifester. Voilà d'accord. Pour les troubles info de cette semaine. Cette séquence est à redécouvrir dans quelques instants en replay. Ça se passe sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. 20h21h, c'est hashtag avec Max. Vous êtes dans hashtag, on passe la soirée ensemble. Claire, Maëlle et Xavier sont là et puis je me tourne vers Claire qui va nous parler cette fois-ci de premier rendez-vous amoureux, c'est bien ça? Oui, je vais parler de ça et je vais dire en fait ce qu'il ne faut absolument pas faire pour un premier rendez-vous. Mais avant ça, parce que je me dis on est deux filles à la table ici, mais Xavier et Max, si vous deviez nous inviter, j'aimerais bien savoir comment Xavier tu verrais le premier rendez-vous parfait et Max son premier rendez-vous parfait, et après on décidera à deux c'est lequel qui est le mieux, quoi. Donc vas-y, pour toi Xavier, tu m'invites quelque part, premier rendez-vous tous les deux. On va dans un restaurant. Ouais. Quick McDo, tu choisis. Non. Un beau petit restaurant, un simple restaurant, plus c'est simple, mieux c'est, non? Avec une petite rose sur la table, des petites bougies. Très romantique. Et puis un plat, je sais pas quel plat, mais en tout cas le plat que le restaurant propose. Tout le monde ce que tu veux. Hein. Tout le monde ce que tu veux. Jipai et Jimepap. Voilà le. Et après le restaurant, parce que après le restaurant, t'inviterais que au restaurant, peut-être aller boire un verre ou quoi. Ah oui, bien entendu. Allez, on va aller boire un verre et si plus c'est affinité. Ah, c'est mal parti parce qu'il pense déjà à ce qui peut se passer après. Non, c'est vous. Ça veut dire que toute cette soirée, il va se dire si ça se passe bien, c'est peut-être que je peux la ramener plus et affinité. Moi, je trouve que c'est pas. Non. On va. Non, je pense que Xavier est très gentleman. Et... Merci Claire. Ouais. Merci de me lancer ces fleurs que je viens de poser sur la table. À ton tour, Max, maintenant. Oui. Ça va pas être très différent. Mais moi, je suis pas très très rendez-vous amoureux. Hein, ça, moi, je suis tu vas pas dans très... un café, toi. Non, moi, je pense que on irait manger un bout, on irait boire un verre, mais. Moi, on n'irait pas dans un bête petit truc, justement. Pas faire le mec qui va dans des gros trucs, justement. Non, c'est plus. Le premier rendez-vous, autant marquer le coup. C'est peut-être le premier rendez-vous d'une histoire qui va peut-être durer. Donc moi, je préfère justement marquer le coup dès le début, aller dans un chouette petit resto. Pourquoi pas même, s'il y a déjà des petites affinités avant, aller autre part, dans une autre ville, un endroit qu'on ne connaît pas, pour en profiter, pour avant ou après le rendez-vous, aller se balader, peut-être, je sais pas, si la ville est belle. Pourquoi pas aller faire ça. Et puis après, un petit peu comment ça se passe. Tu vas aller boire un verre, tu veux qu'on rentre. Vraiment que les choses se fassent à deux, qu'on décide à deux, et pas plutôt que je réfléchisse à, tiens, après, je crois qu'on va aller à la maison. maison et puis tu vois que ça crée un malaise à la fin, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc on fait les choses ensemble, on va dans un bel endroit, on va visiter une belle ville, tu vois, on fait un petit truc cool et puis voilà, on laisse les choses se faire, mais c'est vrai que quoi. Xavier est plutôt, t'es plutôt très romantique, très, toi t'es plutôt très spontané. Ouais. Tu vois, et moi je trouve ça super sympa pour un premier rendez-vous, je sais pas ce que t'en penses, mais un truc hyper... hyper spontané, un truc un peu fou, tu vois, genre aller pas seulement aller au restaurant, boire un verre, parce que ça c'est du vu et du revu. Ah oui, Xavier. Mais un truc, non mais un truc où tu te dis. Moi, dis la première chose que j'allais faire. Voilà, je t'ai dit. Il faut marquer le coup, moi je trouve. C'est quand même le premier rendez-vous peut-être d'une longue histoire. Et puis au pire, si ça n'ira pas plus loin, vous avez quand même passé tous les deux un bon moment dans un truc, voilà, que vous ne faites pas tous les jours. Donc le restaurant, t'as l'occasion d'y aller tous les jours, Xavier. Autant aller dans un bon truc. Imagine un premier rendez-vous dans une montgolfière, tu vois, ou alors saut en parachute direct, bam. Avec le cuic avec, hein, alors, parce que. Sacré rendez-vous, quoi. Moi, la montgolfière, je te laisse aller dedans, mais je te dis coucou d'en bas, je monte pas dedans. Enfin, bon, voilà, je ne sais pas toi lequel tu penses être. Max, parce que je préfère une activité, un truc qu'on peut apprendre à se connaître. Parler en mangeant, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas toujours à l'aise de manger devant quelqu'un d'autre. C'est vrai que Xavier était plus de la. Je change, de Saint-Valentin. Ouais, ça va très, très romantique, quoi. Mais après, ça peut être très bien. Moi j'accepterais volontiers un rendez-vous avec toi. D'autant plus que si c'est toi qui paye. Oui, c'est ça. Alors maintenant, la séquence comment détecter une michto. Alors, allez, donc, maintenant qu'on a parlé des premiers rendez-vous, je vais vous dire un peu ce qu'il ne faut pas faire absolument au premier rendez-vous, parce que le premier rendez-vous, on est toujours un peu anxieux, on a un peu peur parce qu'on ne connaît pas vraiment l'autre. Souvent, maintenant, la génération maintenant, on se parle un peu par SMS, tout ça, et puis à la rencontre, il est là. Et le malaise s'installe, quoi. Souvent, le malaise est là. Et il y a certains sujets de conversation qu'il vaut mieux éviter, parce que sinon, là, on s'enterre, quoi, vraiment. Alors, il ne faut pas parler de notre ex. Ça, je pense que ça semble quand même assez évident. C'est un sujet de discussion inutile et non approprié à la situation. C'est une première rencontre avec peut-être votre future compagne ou compagnon, et vous lui parlez de votre ancienne relation, c'est plutôt étrange, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup qui le font. Hein. On est en premier rendez-vous comme ça, et on commence à parler des ex, et on compare tout ça. Après, des fois, le sujet vient sur la table directement. Hein, mais... Ah oui, si ça se fait naturellement, mais si j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit « oui, avec mon ex, un ami, me dis « est-ce qu'il a vraiment tourné la page ?» ou « c'est un peu malsain, quoi. Ouais. » Alors, il faut surtout pas parler de l'argent non plus. On va pas commencer à. Non. Si c'est la première fois qu'on se rencontre, tu gagnes combien? Enfin, c'est un peu. Indélicat. Ouais. Voilà, c'est indélicat, quoi. Ne parlez pas de vos finances et de votre salaire. Cela lui donnerait l'impression que vous êtes superficielle et vénale. Surtout pour une femme, commencer à parler de l'argent, c'est un peu délicat, quoi. Alors aussi, un sujet qui fait fuir, je sais que les femmes, on est fort portées là-dessus, mais ça peut faire fuir les hommes, c'est le mariage et les enfants. Premier rendez-vous, il faut surtout pas dire... Bah, t'es du combien de gosses. Et le mariage, tu vois ça comment? Généralement, les mecs, ils fuient. Je pense que même si une femme, il y a des hommes qui sont très... un peu comme toi, Xavier, très romantiques. Faut surtout pas parler du mariage et des enfants. Enfin, c'est un truc, vous en conviendrez, c'est aller un peu trop vite en besogne. Il faut surtout pas aller un peu trop vite. Ah ouais. Et il y a des gens, souvent, ils ont tendance à aller beaucoup trop vite. Et Max, tu m'as l'air complètement perdu. Ah non, j'écoute, je suis attentif. Alors, il faut surtout pas aussi parler du célibat. Mais pourquoi es-tu célibataire? Cette question peut sembler flatteuse à première vue, mais elle peut suggérer que quelque chose ne tourne pas rond chez lui ou elle, ou pire encore, que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Cela peut également signifier que le but de tout être humain est d'être en couple, or ce n'est pas nécessairement le cas et de nombreuses personnes sont très heureuses seules, donc ça rejoint ce que j'arrête pas de dire, donc l'autosuffisance et le fait qu'il faut d'abord être bien avec soi-même, et il y a des gens, ils terminent leur vie tout seuls et ils sont hyper bien. Hein. Mm-hmm. Ouais. Alors, je pense que ça me semble logique, faut pas parler de la mort et des maladies. Sujet quelque peu déprimant, évitez de parler des personnes malades autour de vous, de vos anciennes ou actuelles maladies et de la mort en général, ou alors si vous voulez vraiment vous mettre si vous êtes un couple de dépressifs, oui peut-être, ouais. Ils peuvent parler de la... Après je pense pas que les dépressifs vont faire des rendez-vous amoureux. Une nouvelle application. Alors surtout pas de la religion et de la politique, parce que les sujets divergent, si vous êtes comme ça l'un en face de l'autre et qu'il y en a un qui a une croyance et l'autre une autre croyance, ça peut vite se clasher et finalement le rendez-vous il va se terminer en grosse fight devant le café. Donc si vous aimez les débats, pourquoi pas, mais ce sont des sujets souvent trop lourds et souvent trop longs. Autant passer plus de temps à découvrir cette nouvelle personne qui vous attire plutôt que d'entamer un débat stérile qui vous ferait peut-être louper un second rendez-vous. Alors, il ne faut pas parler aussi des familles compliquées. Un père violent, une mère absente, une famille trop nombreuse et envahissante. Ces sujets quelque peu déprimants sont à éviter absolument si vous ne voulez pas que votre premier rendez-vous se transforme en thérapie. Donc, je pense que ça me semble logique. Première fois qu'on se voit, je ne vais pas dire mon père... On vient pas chez la psy, quoi. Alors, il ne faut surtout pas aussi parler des soucis au travail. Une première rencontre est un moment de découverte de l'autre et n'est sûrement pas une longue plainte de ce que vous vivez quotidiennement au travail. Cela pourrait le ou la refroidir. Si vous souhaitez en parler, soyez évasif. Vous aurez plus de temps pour parler de vos différents soucis lors de prochains rendez-vous. Et je vais terminer par des exemples de questions à éviter lors d'un premier rendez-vous. Parce qu'effectivement, il y a quelques petites questions que vous ne devriez jamais poser lors d'un premier rendez-vous, que ce soit avec un homme ou une femme. Donc la première question, pourquoi es-tu célibataire ? Deuxième, combien gagnes-tu par mois ? Ça, mm-hmm. c'est hyper intrusif, hein, je ne comprends pas les gens qui peuvent poser ce genre de questions. Combien d'enfants aimerais-tu avoir ? C'est un peu... ça va super vite. Qu'est-ce qui n'allait pas entre toi et ton ex ? Pour qui as-tu voté aux dernières élections présidentielles? Vraiment, je pense que le rendez-vous, il est nul à chier si vous commencez à parler politique. Ouais, après, enfin, si après ça peut être sont, sympa, mais... souhaites-tu te marier? As-tu peur de t'engager? Es-tu au régime? Est-ce que tu penses que tes parents vont m'apprécier? Surtout pas, allez. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Voilà, donc c'est 10 questions qu'il faut vraiment éviter. Donc si pas, ben, vous les écrivez. Bon, vous venez pas non plus avec un petit calepin au premier rendez-vous. Alors, hein, première question, bonjour. Enfin voilà, c'était les sujets qu'il fallait éviter pour un premier rendez-vous amoureux. Eh ben, merci beaucoup Claire pour ces infos. Est-ce que Xavier, t'as déjà, lors d'un premier rendez-vous amoureux, abordé une de ces sujets? Non. Jamais, non. Franchement, je n'ai jamais parlé de ce genre de choses, donc je suis sur la bon bonne chemin. Voie. Oui. Eh ben voilà, merci beaucoup Claire. Cette séquence, si vous l'avez ratée, que vous voulez la réécouter, ça se passe en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et puis, autre sujet, dans quelques instants, on va parler météo. Et puis, on va aussi un petit peu jouer à partir de cette semaine, nouveau jeu. Effectivement, oui, on va jouer un petit peu, puisque à chaque fois, à la fin de ma séquence, il y aura un petit jeu en rapport avec la météo pour dynamiser un petit peu cette chronique. Ah ben voilà, ce sera dans quelques instants si vous voulez entendre ce petit moment dynamique. Mais oui. Restez bien avec nous. Le lundi, 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Vous êtes dans Hashtag, on est toujours ensemble, on passe une partie de la soirée tous ensemble comme chaque semaine et puis on va se tourner vers Xavier. Chaque semaine, il nous présente un phénomène météo, il nous l'explique, il nous parle un petit peu de tout ça étant donné que c'est un petit peu un passionné et qu'il devient bien évidemment un professionnel de la météo. Oh, pas aussi. Ben voilà, chaque semaine sur la page Météo Namur, il vous partage des bulletins de la région namuroise. Si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez aller voir. Et on en profite pour lui soutirer un petit peu des infos, des explications concernant la météo. Et là, quelque chose qui nous concerne bien pour ce mois de décembre, c'est la neige. Exactement, puisque vous le savez, dans l'atmosphère, y a des particules, mais il y a aussi du pollen, de la pollution. Et sur ces particules-là, ça s'appelle justement ces particules des aérosols. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si Maëlle m'a confirmé, parce que je sais bien que tu es... Non, pas là-dedans, non. Regarde, tu l'as lancé. Le désespoir dans mon regard. Je pensais que tu en connaissais. T'as une tête à faire de la météo. Non. À connaître plus de choses que moi, voilà. Alors justement, lorsque la vapeur d'eau de l'atmosphère entre en contact avec ces petites molécules que je viens de vous parler, donc la pollution et le pollen, eh bien, elle se condense autour de cette molécule et donc vient se former ainsi une petite gouttelette d'eau qui s'appelle la pluie. D'accord. Alors ce processus est à la base en fait de la formation d'un nuage finalement. Alors si la température est suffisamment basse, eh bien la vapeur condense directement sous forme de glace sur ces aérosols. Donc évidemment, quand l'atmosphère est glaciale, eh bien ça va pas se condenser en vapeur d'eau, mais plutôt en glace. D'accord. Le glaçon grandit rapidement et à mesure, et quand il devient lourd, il tombe. Évidemment, ça devient de la neige. Alors, la forme finale du flocon dépend évidemment de nombreuses variables, notamment de la température et du taux d'humidité. C'est très important, Claire, que tu me regardes avec... Ah oui, je te regarde avec vraiment très grande Retiens bien, contrôle à la fin de la séquence. Oui, effectivement. Alors, l'icône du flocon en étoile est sans doute la morphologie la mieux connue, mais ce n'est pas la plus récurrente. On voit généralement le flocon, genre d'étoile comme flocon, ça. C'est quand même... Alors que c'est plutôt une petite boule. Oui, ça dépend. C'est rare quand même quand c'est un vrai flocon comme ça. D'ailleurs, on représente que les flocons comme ça, même à Noël, dans les décos de Noël, c'est des flocons comme tu viens de le dire, quoi. Exactement. Et il existe en effet des formes plus simples, comme tu viens de le dire, Claire. Il y a des colonnes, il y a même des plaquettes de flocons généralement, mais la grande majorité des flocons sont plus difformes et asymétriques. Donc, c'est pas vraiment hexagonal. Alors, comme la croissance d'un flocon est facilement perturbée par des conditions externes, il existe une incroyable diversité de formes de flocons, tout simplement. Et contrairement à certaines idées reçues, les pensées et les émotions humaines n'ont par contre aucune influence sur la morphologie du flocon. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris comment se forme un flocon. Oui, bon, comme on avait dit tout à l'heure, Maxime, on va faire un petit jeu, non ? Oui, on va jouer. Et donc, que le but, ça va être, tu vas nous poser des questions. Il y a quatre thèmes différents. Le jeu, il s'appelle déjà comment ? Ça s'appelle tout simplement le Grand Quiz Préservons la Planète. Et c'est donc fait par des spécialistes. Par des spécialistes, donc c'est des présentateurs météo qui sont un petit peu connus dans le domaine. Pas autant que toi. Hein. Non, pas autant que moi. Et qui sont des spécialistes donc en France. C'est Loïc Roosevelt qui est sur CNews et un autre qui est sur France 3 qui fait météo à la carte, mais je ne me rappelle plus le nom. Des petits mecs. Quoi. Voilà, des petits mecs. Alors justement. Lambda. Ouais. Et justement, la question que je vais vous poser, j'en avais parlé lors des émissions précédentes, c'est en rapport avec les typhons et tout ça. Alors, vrai ou faux, Claire ? Je vais m'adresser à toi en premier. Dis-moi. Le mot typhon, ouragan et cyclone désigne-t-il un même phénomène ? Vrai ou faux ? J'en avais parlé il y a quelques semaines d'ailleurs, de ce sujet. Je dirais que oui. Eh bien, tu as tout à fait raison. La désignation dépend en fait de la zone géographique. Oui, il me semble comme bien. Je te l'avais dit l'autre fois. Alors, Maëlle. Attention. On va regarder. On va regarder un petit peu. Allez, le climat maintenant. Avec le changement climatique, en 2300, la hausse du niveau de la mer pourrait être comprise entre 1 et 3 cm, entre 1 et 3 mètres ou entre 10 et 30 mètres. À ton avis, avec le changement climatique, en 2300, la hausse du niveau de la mer pourrait-elle comprise entre quoi et quoi ? J'en ai aucune idée, donc je veux dire entre les deux. C'est de la baie, c'était quoi ? Entre 1 et 3 mètres ? Oui. Ah ben c'est ça. Voilà. En 2300 ? En 2300. Mais c'est quand même dingue, parce que quand on voit qu'il y a certaines digues qui sont déjà en train d'être oui, mises plus hautes, alors qu'au final, c'est pour dans 300 ans, 1 mètre. Effectivement, ça, beaucoup, ça pose beaucoup de questions pour justement conserver notre belle planète bleue, comme on dit. Mais oui. Allez, dernière question pour toi, Max. Ouais, je t'écoute. C'est un rapport avec la biodiversité et les océans. Alors, ah, ça va alors. Ça va aller ? Oui. Bon, alors, ça coule de source, comme on dit. Alors, quel facteur contribue à l'élévation du niveau de la mer ? Je vais dire trois propositions. La première, la fonte des glaciers continentaux, la dilatation thermique ou la fonte des glaciers continentaux et la dilatation thermique ? La dilatation thermique et les glaciers. Normalement, c'est la première réponse quand on fait les 12 coups de midi. Mais là, je n'avais pas terminé de parler. Hein. D'accord, eh ben, tu as une bonne réponse. C'est effectivement la fonte des glaciers et la dilatation thermique. Je me demande si ce n'est pas la question qui est sur la boîte du jeu. Ah. Oh. Enfin voilà, petit jeu. Voilà, merci beaucoup. Chaque semaine, on fera comme ça un petit quiz. Ce qui fait qu'on doit être chaque semaine attentif à tout ce que Xavier dira, étant donné que les questions souvent auront des liens avec les séquences précédentes. Merci beaucoup, Xavier. Dans quelques instants, on se retrouve pour la suite. 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Une nouvelle émission qui se termine pour en commencer la semaine prochaine une autre. Ça c'est comme d'habitude, on se quitte pour se retrouver un petit peu plus tard. Et puis il nous reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée, Claire. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et faites de beaux rêves. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, voilà. Et tout le tralala. Et tout le tralala. Xavier. Et de ceux que vous aimez, c'est ça qui va l'ajouter. Merci beaucoup Xavier, à la semaine prochaine et puis Maëlle, à la semaine prochaine. Bonne soirée, à la semaine prochaine. On se retrouve également sur les réseaux sociaux et puis d'ici là, n'oubliez pas Spotify, Apple Podcast et Deezer. Salut.